Cours numéro 21. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد ماذا أخذنا في درسنا الأخير عندما تفضل باب الإجماع فما هو الإجماع في الاصطلاح عندما تفضل زيد الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي أحسنت اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي وهو حجة الإجماع سين حجة سين دليل من الأدلة. On a étudié ensemble les deux premières catégories, al-Qur'an wa sunna, al-Sahiha, al-Thabita. Alors, chaque al-Qur'an et la sunna du prophète, c'est des arguments, c'est des preuves pour affirmer, mathalana, hukm, ana, telle chose c'est halal ou telle chose c'est haram. Wa hakada, al-Ijma'. Al-Ijma', c'est un dalil. نوع من الأدلة ما الدليل على هذا؟ سيكبستين بخاف تفضل قوله تعالى فمن يشك في الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ونصلح جهنم نعم فما وجه الاستدلال فشهد فشهد ويتبع غير سبيل المؤمنين بالجمع نعم ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا سمونتخ أن سبيل المؤمنين سين حجة أي celui qui délaisse الإجماع إجماع المؤمنين فلا شك أنه فإلي على غير الصواب ومن السنة تفضل لا تجتمع أمتي على ضلالة نعم هذا سواضح هنا بنوتي المسألة الشيخ ابن عثيمين لا سيتي في الحقيقة في الشروط اسكو الإجماع يرفع الخلاف السابق فالشيخ ابن عثيمين ذكر في شروطا لا يسبقه خلاف مستقر فإن سبقه ذلك فلا إجماع وهذا يعني خلاف بين أهل العلم يونا بست الإكزامبل الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه إلى رابورتي الإجماع على تفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين alors qu'à un moment il y avait un خلاف كابن تيمية رحمه الله لمن إلى سيتي ثم استقر الإجماع والإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله dans son livre المذكرة إلى سيتي cette مسألة قال واعلم أن غير الصحابة من أهل كل عصر كذلك عند الجمهور فإذا اختلفوا ثم اتفقوا كان إجماعا وإذا اتفقوا من بعدهم على أحد قوليهم ففيه الخلاف المذكور والراجح أنه إجماع العلماء اختلفوا في هذا سيان خلاف ثم العلماء qui viennent à une période à l'époque suivante plutôt ils se rassemblent ils sont unanimes فالذي يظهر ما حققه هنا الإمام الشنقيطي رحمه الله أنه من باب الإجماع خاصة مثل هؤلاء الأئمة التابعين ومن جاء بعدهم وهذه المسألة بإذن الله عز وجل vous la verrez en détail dans d'autres livres فلهذا الإمام الشنقيطي رحمه الله il l'a cité via المذكرة et المذكرة c'est un livre plus vaste que la رسالة qu'on étudie ensemble الأصول من علم الأصول et في الحقيقة الأمثلة في هذا قليلة نادرة كذلك une autre مسألة qu'on devait rechercher وهي نسخ القرآن بالسنة. تذكرون أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه il avait la cité dans son livre Al-Usul min 'ilm Usul أنه il a pas trouvé de مثال, il a pas trouvé d'exemple clair أن القرآن ينسخ بالسنة. والعلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان إلى ستة مسألة وقال التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة, يعني خلاف بين أهل العلم, بعض الأئمة يقولون أن القرآن لا ينسخ بالسنة, الصحيح الجواز كما قال شيخ العثيمين رحمه الله, لكن شيخ العثيمين مع الجواز الحكم بالجواز إلى préciser أنه il a pas trouvé d'exemple. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه, ومثاله نسخ آية خمس رضاعات بالسنة المتواترة. الإكزامبل كنا بيست ensemble dans le cours الشيخ الشنقيطي رحمه الله هنا إلا سيتي قوله هنا ومثاله نسخ آية خمس رضاعات, الصواب عشر رضاعات, الفيرسي يبقى عشر رضاعات, فلعله وهم هنا لأن في أضواء البيان رحمة الله عليه إلى ستة عشر رضاعات, هذا هو الصواب لا شك أن الفيرسي يبقى عشر رضاعات, ثم نسخ بحديث عائشة رضي الله عنها خمس رضاعات كان فيما أنزل, هكذا قالت رضي الله عنها عشر رضاعات, أي يبقى الفيرسي كي montre أن الحرمة تحصل بعشر رضاعات, ثم نسخ ذلك بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن خمس رضاعات أي 5 fois ça suffit pour que cet enfant il devienne enfant de lait de cette femme et cette femme ça devient sa mère de lait. مع هذا بعض العلماء اختلفوا في هذا المثال, بعضهم يقول que c'est pas un مثال pour telle raison إلى آخره, لكن الذي يظهر أنه c'est un مثال. على كل حال ce genre de mas'ala qu'on a noté, vous avez remarqué que التوسع et les détails ça viendra dans d'autres livres, لكن là بس أن au moins on a une إشارة أنه يا مثال. Est-ce que le مثال il est authentique? نعم il est authentique, le hadith il est صحيح, لكن est-ce que dans cette mas'ala c'est un exemple pour ce point, هذا c'est autre chose. Et العلامة الشنقيطي رحمه الله il a accepté ce مثال. على كل حال نحن ce qu'on voulait c'était le قول d'un imam. يعني on avait étudié ensemble cette mas'ala et on s'est aperçu que حديث عائشة رضي الله عنها في الحقيقة c'était كان ينسخ الآية, لكن on n'avait pas d'imam et parler sans قول d'imam c'est pas طيب في هذه المسألة, لأن ربما يخفى علينا أمور, ربما on n'a pas compris, ربما jamais ne se précipiter, tu trouves كلام imam. Quand tu as un kalam, خاصة مثل العلامة الشنقيطي, c'est un grand savant في علم الأصول وفي علم التفسير, au moins tu as le قول d'un savant. Est-ce que le مثال الآن il est acceptable أم لا, il est à sa place أم لا, هذا dans d'autres livres. Ces deux points في المذكرة, à référence à المذكرة de l'imam العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه, et c'est un livre طيب في الأصول et توسع فيه et طالب العلم qui l'étudie après certains livres فيستفيد جدا, لكن il est assez compliqué فيحتاج إلى إتقان الأصول أولا, de bien comprendre الأصول من علم الأصول, et ربما un autre livre لأن passer directement de l'أصول من علم الأصول إلى المذكرة c'est compliqué في الحقيقة. Celui qui étudie un autre livre كمعاقد الفصول ou autre فطيب. Reste une mas'ala, et incha'Allah la prochaine fois, mais yata'allak bi qawl al-sahabi, ay, hal lahu hukm al-raf' idha urifa bil-akhd min al-israiliyat, hada incha'Allah la prochaine fois. Qala al-mu'allif rahimahullah al-qiyas, wa hada al-bab kadhalik il est muhim, yana après avoir étudié bab al-akhbar al-Qur'an wa al-sunnah, ay, la révélation, ثم الإجماع, الإجماع كذلك c'est une حجه bien sûr avec certaines conditions si l'ijma il est authentique etc. ثم la quatrième catégorie d'arguments c'est al-qiyas, ils traduisent par l'analogie ou le raisonnement par analogie, et هذا الباب Cheikh Al-Uthaymin, il a simplifié jiddan. On n'a pas, wallillahi alhamd, on sent besoin de cette traduction. Cheikh Al-Uthaymin, il a simplifié jiddan hadha al-bab. On disait hadha al-bab il est muhim jiddan. لأن الناس في هذا الباب تفرقوا واختلفوا. Certains ont exagéré حتى نفوه بالكلية كالظاهرية. بعضهم ils ont rejeté complètement القياس. Ils ont dit il n'y a pas de قياس dans notre دين. هذا لا شك أنه c'est un خطأ واضح. وبعضهم توسعوا في باب القياس. Et ils font, si on peut appeler cela, des comparaisons. Oh, ils font du qiyas dans certaines masail, alors qu'il y a une différence claire entre les deux adorations, ou les deux points plutôt. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, qala fi al-sharh, safhat 540, page 540, wal haqiqatu, anna bab al-qiyas babun, خطر لأنه يحدث فيه خطأ كثير بين أهل العلم فتجد من الناس من يقيس مسألة على أخرى مع ثبوت الفرق بينهما أحيانا tu lis des بعض الأقيسة أي certaines مسائل ou certains ils ont fait le qiyas et tu aperçois que la différence elle est énorme et pour faire le qiyas كما سيأتي معنا il faut qu'il y ait un أصل. Une illa jami'a. Il faut qu'il y ait une cause qui lie les deux points. Et cette cause, ça doit être la même. Et ahyana, les gens font al-qiyas. Et en fait, c'est min bab al-tasahul. Et les gens, c'est min bab al-hawa. Donc, ils suivent leur passion, ils essayent de montrer que telle chose, c'est comme telle chose. Donc, si telle chose, c'est permis, telle chose, c'est permis. Qala rahimahullah. وتجد بعض الناس ينكر القياس ولا يثبته إطلاقا كالظاهرية أتبع داود الظاهري وهكذا ابن حزم إلى التشدد في هذا أنه يغجة القياس هذا سيبقى صواب قال وبعضهم يثبته في موضع وينفيه في موضع آخر نعم سير الصحيح on l'accepte avec les conditions كما سيأتي إن شاء الله dans le درس سير القياس il est authentique avec ces conditions que les ulama ils ont citées, on l'accepte. Si هذا القياس il est pas à sa place, il est pas authentique, il contredit un dalil, on l'accepte pas. فلا إفراط ولا تفريط, le juste milieu. بعض الظاهري il y a tellement qu'ils ont exagéré في هذا الباب. Les ulama ils citent cet exemple, أنهم قالوا يجوز de verser de l'urine dans un endroit où il y a de l'eau stable. Le Nabi sallam n'a pas dit ça. Le Nabi sallam n'a pas dit le boul fi al-ma raqid. Plusieurs hadiths sahihi. Hum qalu limadha ils ont dit c'est permis. Ils ont dit li anna le Nabi sallam n'a pas dit le boul. Amma le fait de verser de l'urine, c'est pas personne a uriné directement. Donc ils ont dit c'est permis. هذا لا شك أنه من الجمود المذموم. سي النبي صلى الله عليه وسلم لا انتردي نهى عن البول دوريني دون دو لو ستابل مثلا ان بيتيت اندرو ان بيتي باسان وكيا دو لو فلا ينبغي البول لان ربما واحد يفو بواه واحد يفو سولافي واحد يفو فيغ لودو فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى بوركوا باسكو النجاسه ال بو سو ميلانجي ا لو بيور العلماء بيان سور ils ont dit que Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le baoul, il y en a en général, واحد, il peut uriner. Lakin, si on qadr واحد, il urine dans un récipient, dans une bouteille, thumma il le verse, voilà, chakanahu, la yambari, c'est la même chose. L'essentiel, c'est que l'urine, elle ne se mélange pas à cette eau. Vandhuru, al-jumud, ils prennent le texte bid-dhahir, et fil haqiqa, ils exagèrent. Falihada, les ulama, ils les appellent al-dhahiriyya. Ay, atba' Dawood, al-dhahiri, wa hakada ibn Hazm. Fahum qalu la. Il n'y a aucune preuve qui montre que c'est interdit. Alors que Attalil, il est clair. Est-ce que c'est du qiyasam là, c'est autre chose. Le fait d'uriner dans le récipient et de verser dans l'eau stable, c'est haram. Est-ce que Al-Hurma, c'est bel-qiyasam là, ça c'est autre chose. Pardon, ils disent c'est pas bel-qiyas, ils disent le nos. Le nos, il montre النبي صلى الله عليه وسلم s'il a interdit عن البول فمن باب أولى il a interdit de verser de l'urine. هذه c'est une autre مسألة. على كل حال pour vous montrer الجمود في هذا الباب. وبعضهم يتوسع يسيت des منكرات في الحقيقة. Et il compare avec des choses, ça n'a rien à voir. Wallahi, ahyana, ça n'a rien à voir. On ne parle même pas de est-ce que ça ressemble à ça, ça n'a rien à voir. Lakin bab al-hawa. Et ils prétendent que c'est al-qiyas. قالوا على كل حال القياس مهم وينبغي للإنسان أن يكرس جهوده فيه وسنذكر جملة صالحة منه رحمة الله عليه صحيح إلى غيزمي هذا الباب في الأصول من علم الأصول avec des paroles طيبة سهلة نافعة. C'est pour ça que son kitab s'est devenu une référence رحمة الله عليه الأصول من علم الأصول. على كل حال c'est un باب مهم et طالب العلم doit lui donner de l'importance. A tous ces abouab. Ce ilm, il est très très important. Ilm al-usul. قال رحمه الله القياس. تعريفه هو القياس لغة التقدير والمساواة. هذا في اللغة. قال واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تعريف مختصر طيب. لكن لو قال كما قال بعض أهل العلم إلحاق فرع سوغيتي أدق إلحاق فرع على بلاس دو تسوية فرع. لماذا؟ لأن لا يشترط في القياس التسوية. Pour faire le qiyas, il ne faut pas que مثلا le deuxième point soit identique au premier point dans tout. Là, s'il y a une illa jami'a, il y a un point, la cause dans laquelle مثلا on va dire l'interdiction, les deux points, ils sont d'accord, ou ils se ressemblent dans cette cause, fayajouz de dire que telle chose c'est haram. Pourquoi? Parce que ça ressemble à ce haram. بعض العلماء يمثلون بالخمر. Et في الحقيقة التمثيل فيه نظر. لكن on peut le citer هنا pour vous montrer فقط أن لا يشترط التسوية. فلهذا قول بعض أهل العلم إلحاق فرعين c'est mieux. إلحاق c'est le fait de faire rejoindre. مثلا si telle chose elle rend ivre, n'importe quel aliment, n'importe quelle boisson qui apparaît مثلا de à notre époque, si فيها شيء من الإسكار elle rend ivre, فلا شك أن ça rejoint الخمر, c'est interdit. فهذا pour vous montrer أن التسوية c'est pas un شرط, même si cet aliment مثلا c'est pas une boisson. Ils inventent un gâteau, un fruit mohim. Ils mettent une chose ou ils transforment une chose et ça devient ou fihi shay min al-iskar ou yuskir. Hada al-hal on dira c'est haram, même si c'est pas comme le khamr, même si ça a un goût différent, même si ça a une couleur différente. Hada, ça c'est pour vous montrer at-taswiya. Ay at-ta'bir bi ilhaq far'in bi aslin c'est adaq. Et Cheikh Ibn Uthaymeen dans son charh, rahmatullah alayh, à un moment du charh, il cite al-ta'rib, il dit il haqu far'in. Est-ce qu'on peut le retrouver pour vous montrer anna hatta Cheikh Ibn Uthaymeen il emploie ce mot ahyanan. Pas au début, mais le début, quand il a cité l'explication du ta'rif, il a expliqué an nusawwil far'a. لكن ما أدري أين وجدت هذا فلعله si on arrive à le retrouver rapidement وإلا فcelui qui lit الشرح il retrouvera هذا. القاعدة أن كل مثل ضربه الله نعم والقياس لأن المقصود إلحاق الأمر المعنوي بالأمر الحسي لا بأس نعم هذا. Et dans d'autres moments, dans d'autres passages plutôt, il cite هذا التعبير إلحاق الأمر بالمعنوي بالأمر الحسي. لكن يا un passage c'est أوضح من هذا والأمر سهل. L'essentiel c'est qu'on a compris التعريف. أما on revient au درس. هذا المثال كل علماء يسيت كثيرا في القياس أي في باب الإسكار. في الحقيقة هذا سبا من القياس. لماذا؟ لأن هنا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. كل مسكر حرام وكل من الفاظ العموم كما تقدم. الحقيقة on a pas besoin de qiyas. Chaque chose qui rend ivre, que ça soit un fruit, que ça soit un gâteau, une boisson, un médicament, il a akhiri qui rend ivre. فهذا c'est حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. لكن je trouve dans بعض كتب الأصول هذا المثال بالخمر لأنه il est connu et il est simple. فالعلماء أحيانا يلسيت وإلا فسيبا من باب القياس. قال رحمه الله وغيبت التعريف تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه. Tu as quatre choses في القياس. Pour comprendre le قياس, tu as le فرع et tu as l'أصل. Ça c'est les deux premiers points. الفرع سلمقيس والأصل سلمقيس عليه. فالفرع c'est ce qui va rejoindre l'أصل, la base. مثلا la base c'est l'alcool, c'est haram. Tout ce qui rend ivre, tu as plusieurs فروع, ça peut être un gâteau, ça peut être une autre boisson, il a arrêté, ça rejoint l'أصل. Donc tu as l'أصل سلمقيس عليه et tu as الفرع سلمقيس. قال والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيره. فسيس أصل إلى حكم فالفرع va rejoindre l'أصل dans son حكم. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de دليل clair pour الفرع. فيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعض الأمثلة من كلام شيخ ابن عثيمين أن أحيانا tu as une chose, tu n'as pas un دليل clair. العلماء ils appliquent le qiyas vu qu'il y a un أصل qu'il y a un دليل clair. وهذا الفرع يغسمبلو أصل والعلة يون علة جامعة سلو كاتخيام بوان فإذا أبليك لحكم دو أصل أو فرع الأصل سي لاباز الفرع سي اون برانش كالكو شوز كي رجوان لاباز. قال والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. هذا تقدم معنا سي سي واجب يجيغون سي واجب سي سي حرام يجيغون سي حرام وهكذا. قال والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. Et ça, c'est important. Al-illa, c'est al-ma'na alladhi thabata bi sababihi hukm al-asl. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'alcool. Limada? Al-illa, c'est la cause. Pourquoi? Parce que ça rend ivre. Et l'ivresse, ça va impliquer des mauvaises choses. Al-insan, il ne sait plus ce qu'il fait, il peut faire beaucoup de mal. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit le khamr. C'est pour ça que, mathalan, toutes les drogues, c'est haram. المخدرات ميم سي سي با دالكول مع هذا اون دي في الحقيقه هذا سبا من باب القياس. النبي صلى الله عليه وسلم الى الى الى سيتي ان كلام واضح كل مسكر حرام tout ce qui fait perdre la raison c'est haram que ça soit alcool drogue ou autre. فعلى كل حال vous avez compris العله c'est quoi c'est المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل. Et retenez هذا لانه on va en avoir besoin pour les شروط. Il y a بعض الامور لا تعلم العله, on peut pas faire le qiyas. بعض الامور يا حكم السبب c'est التعبد المحض. مثلا الله سبحانه وتعالى nous a rendu obligatoire صلاه المغرب 3 ركعه. Pourquoi 3 ركعه الله اعلم. C'est من باب التعبد. الله nous a ordonné 3 on fait 3. On pourra pas faire le qiyas une autre salat faire le qiyas sur le maghrib on dira 3. لا. Il faut que العله elle soit معلومه اي شرعاً عقلاً. مثلاً on sait que Allah سبحانه وتعالى il a interdit l'alcool. لماذا؟ لأنه ça rend ivre. On a des adillah في هذا كل مسكر حرام. كذلك العقل comprend هذا. C'est pour ça que même le kuffar ils reconnaissent le danger de l'alcool. أما بعض الأمور on sait pas. سيأتي معنا ربما المثال نعم مع نقض الوضوء بسبب أكل لحم الإبل. Celui qui mange de la viande de chameau, il doit refaire le wudu. Alors, sahih. Il y a un khilaf entre ahl al-ilm. Lakin, alors, sahih, il doit refaire le wudu. Fala shak anna al-illa huna, Allah a'lam biha. Ba'd al-ulama, ils disent à cause de telle chose. Lakin, un nas clair pour reconnaître ou pour connaître al-illa, fa huna, on ne peut pas faire le qiyas une autre viande sur le chameau par rapport à cette cause. Aïe, il faut refaire le wudu. Ça y a-t-il, incha'Allah ta'ala, al-mithal. قال وهذه الأربعة أركان القياس فلا بد من هذه الأربعة pour le qiyas. Ça c'est les piliers du qiyas. الفرع والأصل الحكم العلة. قال والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. نعم تقدم معنا القرآن والسنة الإجماع aujourd'hui le quatrième القياس. قال وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان ما توزن به الأمور ويقايس بها بينها. نعم ساسي دي عمومات دي أدلة من القرآن كشيخ العثيمين رحمة الله عليه إلى ستي بو مونتخي أن القياس لصحيح ونلابليكي ونلاكسبت. ثانيا قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قال فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض وهذا هو القياس. نعم ففي هذا الدليل أن الله سبحانه وتعالى لا كومباري إحياء الأرض بإحياء الموتى. لماذا؟ لأن ils se rejoignent dans une chose. Les deux goûtent à la mort. La terre, elle meurt à cause de la sécheresse et l'être humain, il meurt pour plusieurs raisons. Enfin, ils se ressemblent. Les canaux qui se ressemblent في الإحياء, le fait de revivre. Enfin, la terre, elle revit avec la pluie, بإذن الله عز وجل. وهكذا l'être humain, il revivra, il sera ressuscité. Comme la terre, elle revit après avoir plu. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il cite ce mithal dans le Coran pour qu'on réfléchisse. وهذا نوع من القياس كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها. أي cette femme رضي الله عنها qui a demandé au prophète عليه الصلاة والسلام est-ce qu'elle peut jeûner pour sa mère après la mort de cette dernière, et de sa mère. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين دين بفتح الدال أي une dette فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها. النبي صلى الله عليه وسلم انظروا il lui a cité cette comparaison. Est-ce que si ta mère elle avait une dette et anti, tu aurais remboursé cette dette, est-ce que ça aurait suffi? فقالت نعم, elle a dit bien sûr. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a comparé le siyam à la dette. La dette c'est quelque chose qui reste في الذمة. مثلا واحد il a emprunté de l'argent à واحد à un autre et il meurt. فهذا المال يبقى في الذمة الميت. Le mort, il n'a pas remboursé. Il faut que cet argent soit remboursé. L'imam, il y en a cet autre qui lui a prêté. Il doit récupérer son argent. Donc, les enfants de ce mort, ou ses proches, ils doivent rendre. Si ce mort, il a délaissé de l'argent, ils prennent une tarika directement. S'il n'a pas laissé de l'argent, il faut wahed et tassaddaq. Et il rend l'argent. Et c'est un khir avim pour ce mort. Fahakad al-siyam. Al-siyam, c'est nou'un min al-dayn. Ça reste fi dhimma. Bien sûr, al-siyam al-wajib. Matalan wahed. Il n'a pas jeûné une semaine de Ramadan et il devait rattraper cette semaine et il s'est laissé aller, il n'a pas rattrapé et il meurt. Cette semaine, elle doit être rattrapée. Et c'est pour ça que les proches, في هذا الحال, يشرع لهم الصيام عن قريبهم. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك. Et jeûne pour ta mère. Alors vous avez compris pourquoi Cheikh Ibn Uthaymeen a cité ces amthila pour montrer أن القياس مشروع. قال ثانيا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود. Cet homme رضي الله تعالى عنه qui est venu voir النبي صلى الله عليه وسلم il lui a posé cette question أو هذا الإشكال أنه ولد له غلام أسود alors que lui il était pas noir. Il a eu un enfant de couleur noire. هذا c'est غريب. C'est pour ça que cet homme il est venu interroger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lui et sa femme, ils n'étaient pas de couleur noire. Et Allah subhanahu wa ta'ala razaqahum un ghulam, un enfant de couleur noire. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل? Est-ce que tu as des chameaux? فقال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ما ألوانها؟ قال حمر, أي une couleur qui est proche du rouge, أي couleur foncée. قال هل فيها من أورق؟ هكذا يضبط أورق, الأورق أي الأسمر أي فونسي. والشراح قالوا ما فيه بياض إلى سواد يشبه الرماد, أي c'est des chameaux de couleur marron, ni blanc ni noir, entre les deux. فالنبي صلى الله عليه وسلم lui a demandé est-ce que dans ces chameaux il y a cette couleur. قال نعم. فقال فأن ذلك, أي الصحابي il a demandé فأن ذلك, أي كأنه il a demandé le rapport que le Nabi صلى الله عليه وسلم lui montre. قال عليه الصلاة والسلام لعله نزعه عرق, لعله نزعه عرق. انظروا la comparaison avec les chameaux et l'enfant. فكم le chameau أحيانا سأغير, فهكذا l'enfant, لعله نزعه عرق. الشرح قالوا أي جذبه أصل من أصوله. Peut-être que cet enfant qui est né de couleur noire alors que ses parents n'étaient pas de couleur noire, Rubama, un de ses ancêtres, il avait cette couleur. Et cet enfant, il a pris la couleur de un de ses ancêtres. C'est pour ça que l'ulama, c'est une faïda azima fi hadha al-hal, l'insan la yastajil. L'homme, il ne se précipite pas à accuser sa femme fi hadha al-hal. S'il n'y a aucun shabah, il n'y a aucune ressemblance. La hiyalan, ça peut aller loin, il n'a hatta la couleur, c'est pas la même. Et l'ab fi hadha al-hal, labud من صبر لا يتهم امرأته, كذلك ne pas avoir de doute ou des soupçons أن sa femme ربما l'a trompé إلى آخره, خاصة si c'est une femme صالحة. Et à notre époque, والله الحمد, il y a des moyens pour savoir est-ce que le walad c'est du père أم لا. على كل حال, العلماء ils ont cité via هذا الحديث أن الإنسان il fait attention aux ظنون. انظروا هذا الحال, l'enfant il est de couleur noire alors que les parents ils ont la peau blanche. Et l'enfant, c'est vraiment à eux. L'enfant, c'était vraiment à eux. Lakin, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme ça arrive aux chameaux. Tu trouves un troupeau de chameaux, un chameau, il n'a pas la même couleur que ses parents. Et l'allahu, il a pris la couleur de un de ses ancêtres. Fahakada avec l'adami. Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, fala'allabnuka hadha naza'ahu irqun. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a montré que ton enfant, كذلك ربما, il a pris la couleur d'un de ses ancêtres. À la كل حال, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité pour montrer al-qiyas, la comparaison entre l'enfant et le chameau. في هذا الحال. قال وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيه من اعتبار الشيء بنظيره. Tous les adillah où il y a des amthila, des comparaisons, في القرآن أو في السنة, فالحقيقة سيدي أدلة كي مونتر أن القياس سي مشروع, أن لو غيزونمون باغ أنالوجي كومي تخادوي سي ليجيفيري. ومن أحسن من فسر هذه الأمثال وتوسع في باب القياس هذا كان كلام طيب سي الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه النفيس إعلام الموقعين, فتوسع في هذا جدا. Il a expliqué ses exemples, il a montré mashru'iyyat al-qiyas, il a radd 'ala al-dhahiriyya wa 'ala ghayrihim, fa rahimahullah. I'lam al-muwaqqi'in, il a été imprimé en 6 volumes l'an ou 5. C'est min anfas kutub usul al-fiqh. C'est un livre qui ne traite pas que al-usul, lakin la plupart des masa'il, la plupart des abwab, c'est fi al-usul. إعلام الموقعين أي في الحقيقة ابن القيم رحمة الله عليه écrit ce livre pour les savants qui font الفتوى et il leur cite les conditions, شروط المفتي, ما يتعلق بالإجماع, ما يتعلق بالقياس, ما يتعلق بالأدلة. C'est un livre de أصول, بل c'est une des références, خاصة أن l'auteur c'est un imam parmi les imams de la sunna. لكن pour comprendre ce livre il faut avoir des notions de base في الأصول. Il y en a, il traite des sujets de fiqh et de usul. Enfin, le mubtadi qui le lit, là, je sais qu'il beaucoup de masa, il ne les comprendra pas. Lakin, celui qui étudie, بالتدرج الأصول من الأصول, ثم نظم الورقات ou un autre livre, ثم المذكرة, ثم il lit في إعلام الموقعين, فهذا سيستفيد. Lakin, nous, on cite souvent ce genre de référence, حتى Avoir les références, c'est muhim. Peut-être qu'un tas, tu vas acheter le livre. Ou peut-être que tu as le livre. Tu sais de quoi il traite, mais tu n'as pas encore la capacité de profiter. Mais alhamdoulilah, c'est une ni'ma d'avoir le livre. Un jour viendra, si tu es sérieux, et bien sûr, bitawfiqillahi azza wa jal, tu pourras profiter du livre. Mais il faut comprendre l'arabe, il faut avoir des notions en arabe, et plus que des notions, et il faut avoir un minimum fil usul. Qala rahimahullah wa min aqwali as-sahaba ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري في القضاء قال ثم الفهم الفهم فيما أدل عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا السنة ثم قايس الأمور عندك هذا الشاهد si tu n'as pas de preuve claire du Coran et de la Sunna sur une masala فالقياس ثم قايس الأمور عندك أي أحيانا si le savant il réfléchit il médite il prend du temps il pourra faire des comparaisons entre telle chose et telle chose même si la deuxième chose il n'y a pas de dalil clair lakin il haqu al far' ila al asl n'am il va appliquer cette règle et il pourra donner un jugement qala wa'rif al amthal thumma amid fi ma tara ila ahabbaha ila Allah azza wa jalla wa ashbahaha bil haqq هذا الكتاب il est tabit an Umar radi Allah anhu أي cette lettre qu'il a envoyée à Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu elle est ثابته نعم قال الشيخ ابن عثيمين continue قال ابن القيم رحمه الله هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول العلماء ils ont accepté cette lettre سندا ومتنا et فيها فوائد كثيره et الامام ابن القيم رحمه الله son livre اعلام الموقعين il l'a basé sur cette lettre les six mujallads sont fondés sur cette lettre. Et c'est une explication et tawassa'a. Kama naqala Cheikh Ibn Uthaymeen fi al-Sharh rahmatullah alayhi. Qala wa haka al-Muzani anna al-fuqaha min 'asr as-sahaba radiyallahu anhum ila yawmihi ajma'u 'ala anna nadhir al-haqq haqq wa nadhir al-batil batil wasta'malu al-maqayis fi al-fiqh fi jami' al-ahkam. Et hada c'est clair. أن جميع العلماء يزوا أكسبته هذا إلا من شذ ذاك من ستة من الظاهرية وإلا فنظير الحق سي حق quelque chose qui ressemble à la vérité et qui a les mêmes points ça rejoindra la vérité وهكذا الباطل quelque chose qui pousse un باطل qui est fondé sur du باطل même si on n'a pas un délil clair ça rejoindra forcément un باطل qui est cité في القرآن وفي السنة tu trouveras forcément un délil لكن هذا c'est pas pour tout le monde. Il y en a بعض الجهال, si on ouvre les portes à tout le monde via هذا, ils vont faire du qiyas et ils vont penser que cette chose elle a la même illa, la même cause que telle chose et ils concluront انها c'est le même hukm. Si c'est obligatoire, ils diront obligatoire, si c'est haram, ils diront haram. فهذا c'est pas pour tout le monde. Le qiyas c'est un bab qui est khatir comme قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه et vous avez remarqué que c'est une catégorie, c'est un نوع de dalil et c'est pour ou ça peut rendre une chose obligatoire ou haram. Enfin, c'est pas tout le monde qui parle via هذا الباب. وهنا نبه قال واستعملوا المقاييس في الفقه. فالقياس c'est في الفقه. أما في العقيدة فلا قياس. Pourquoi? لأن العقيدة c'est من أمور الغيب. Y a pas de علة. C'est pas comme le fiqh. Le fiqh, tu as des choses. العلة elle est واضحة. مثلا telle chose y a un ضرر. Telle chose y a un ضرر. On dira que vu que ça pousse un mal, on a beaucoup d'adillah qui montrent que Adhar, il est marfou. Enfin, on dira que ce n'est pas permis. Bien sûr, en revenant au savant de la sunna. Amma, Omour al-Ghayb, c'est fondé sur l'adillah. C'est un bab tawqifi mahd, comme on a taqaddam ma'ana fous sifat. Matalan, pourquoi Ghalib al-Mu'attila, ils se sont égarés fi bab al-sifat, limada li annahum, automatiquement, ayyadan billah, ils ont fait du qiyas. مثلوا. Ils ont pensé que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala c'était comme les attributs des êtres humains. فإما ils ont rejeté عطلوا إما حرفوا كما تقدم معنا. فباب العقيدة y a pas de قياس. On a un نص, on accepte. On a pas de نص, on dit Allah أعلم. مثلا on peut citer un نوع de قياس qui a été propagé il y a quelques jours. Faire الصلاة في المسجد. Faire salat fil masjid, que ce soit le jama'a ou le jumu'a, que ce soit pour le vendredi ou pour la salat en commun, en groupe. العلماء اللجنة الدائمة مثلا ils ont cité une fatwa il y a quelques jours, ils ont fait une fatwa il y a quelques jours à cause du virus qui est propagé, يشرع الصلاة في البيت. Même si tu ne trouves pas un dalil واضح parmi les excuses de faire la salat à la maison, tu trouveras beaucoup de adilla dans certains points précis, notamment la maladie, la pluie, il a akhiré. Le virus, peut-être que tu ne trouveras pas un dalil clair. Lakin, vu que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé de faire salat à la maison, fil bayt, s'il pleut. Pourquoi ? Lianna, si tu vas au masjid quand il pleut, khassatan, dans les endroits où il y a de la boue, dans les campagnes, مثلا, ربما ستتعب. Tu vas arriver au masjid et tu seras sale. Et khassatan, celui qui n'a pas de quoi se couvrir, ربما il tombe malade. ففي هذا الحال, quand il pleut, c'est une excuse. Al ulama, ils ont fait le qiyas quand il neige. كذلك. Mais quand il neige, c'est encore plus dangereux. Tu peux glisser, que ce soit en voiture, faire un accident, ou à pied, tu peux te casser quelque chose. Donc quand il neige, ça rejoint la pluie. Avec le virus, là, on peut faire un qiyas comme ils ont fait les ulama. واضح. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé, fi hadha al-hal, de faire un salat à la maison, fama baluk avec un virus. Rubama tu vas au masjid, et wahed qui est marid, kadalik, il va au masjid, et il contamine tout le monde. Kadalik, si les autorités ils ont interdit les rassemblements, tu trouveras des autres adillah fi hadha al-bab. Ala kulli hal, cette fatwa, si tu as étudié usul al-fiqh, tu comprendras la justesse et quwwat du hukm du savant. Limadha? Li anna al-ulama ils étudient le sujet. Et là, chaque même si on dit qu'il n'y a pas de qiyas, fil haqiqa adillat ad-darar kathira. La darar ou la dirar, etc. On a beaucoup d'adillat. Lakin pour vous montrer faqat la comparaison entre le fait de ne pas faire salat quand il pleut. La cause c'est quoi? C'est que l'insan il peut se blesser, il peut se salir, il peut tomber malade, il a agré. La shak anna délaisser al-masjid pour cause de virus, et encore plus si les autorités rendent la chose obligatoire, que ce soit des kuffar amla. Fa fi hadha al-hal, al-insan il fait salat chez lui. Et nansah al-ikhwan bi adam al-qil wal-qal. Pas besoin de parler kathiran. Ba'dhum ils disent, mais pourquoi ils ont interdit dans les masjid alors que dans telle chose c'est autorisé? Et pas besoin de hadha al-kalam. Ça sert à rien. Ils ont interdit. Même au qadr, même si tu veux la faire, tu peux pas. Donc parler, ça sert à rien. Bal al-ikhwa bi hadha al-hal, ils font salat chez eux et ils en profitent vu que ربما ils passeront plus de temps chez eux, khassatan ceux qui travaillent plus l'akhir, yatlubun al-ilm. Ma qil wal qas, ça sert à rien. Ba'dhum al-an ils rentrent dans les thèses complotistes, anna c'est foulan qui a envoyé ce virus, c'est foulan, ça sert à rien. On dit pas que c'est pas possible, c'est plus que possible. Lakin profite un tas de ce genre de choses pour avancer dans ton din. Ne perds pas ton temps ma al-kha'idin fi al-batil wa fi al-dhunun. قال رحمه الله شروط القياس. هذا القياس له شروط. Des conditions pour qu'il soit accepté. قال للقياس شروط منها أن لا يصادم دليلا أقوى منه. فالاعتبار بقياس يصادم النص أو إجماع أو أقوال الصحابة رضي الله عنهم إذا قلنا قول الصحابة حجة. وهذا تقدم أن قول الصحابة سبأ حجة على الصحيح. لا سكي الحجة سالإجماع. L'unanimité des compagnons, نعم c'est une حجة. قال ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. هذا c'est clair. Si هذا القياس il contredit une preuve claire du Coran ou de la Sunna ou l'unanimité des compagnons رضي الله عنهم, ففي هذا الحال ce قياس on le prend pas en compte. فاسد الاعتبار. الاعتبار c'est le fait de prendre en compte. فاسد c'est quelque chose qui est nul, qui n'est pas accepté. Donc ce قياس il est pas accepté. قال مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها. Donc الجملة تضبط هكذا أن تزوج, نعم أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها, نعم أي c'est la femme qui va se marier elle-même. Donc faut bien mettre une dhamma à la fin de المرأة. والرشيدة c'est une صفة للمرأة, et نفسها c'est un توكيد. Tout ça prend des dhamma. قال بغير ولي قياسا على صحة بيعها بيعها مالها بغير ولي على سبيل المثال طيب طيب لا فما لا droit de faire du commerce sans ولي هذا لا شك فيه مثلا elle veut acheter un bijou elle veut acheter de la nourriture elle veut acheter un appartement c'est pas un chart qui est un ولي sans le fait qu'elle fasse du commerce toute seule le contrat de vente il est sahih sans rentrer dans les détails dans certaines choses c'est haram là on reste dans les choses claires est-ce qu'on peut faire al-qiyas vu que le contrat de vente de la femme il a accepté son wali est-ce que son contrat de mariage seul si elle se marie seule il est accepté فهذا c'est batil لماذا قال فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهذا تقدم معنا dans notre cours sur les règles du mariage أن الولي c'est un شرط s'il n'y a pas de ولي النكاح il est batil le contrat de mariage il est pas accepté la femme qui n'a pas de ولي c'est القاضي qui l'a marié c'est le juge qui l'a marié لابد من ولي لابد من ولي donc le fait de faire ce قياس alors qu'il y a une ressemblance c'est un contrat c'est un contrat il y a une ressemblance via là lakin vu que ça contredit un nos il y a un nos qui montre que la femme elle a pas le droit de se marier seule il faut un tuteur obligatoirement si elle se marie sans tuteur l'acte de mariage il est nul il est batil هذا c'est un exemple طيب donc la première condition la yusadim dalilan aqwa min et là chaque anna qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est un dalil wadih et ce qiyas, il ne peut pas venir en opposition de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est claire. Thaniyan an yakoun hukmul asli thabitan bi nassin aw ijma' fa in kana thabitan bi qiyas lam yasih al qiyas alayhi wa innama yuqas ala al asl al awwal li anna al ruju' ilayhi awla wa li anna qiyas al far' alayhi alladhi ju'ila aslan qad yakun ghayr sahih wa li anna al qiyas ala al far' thumma al far' ala al asl tatwil bila fa'ida. Cette condition Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi bayyana fiha anna tu dois revenir au asl. Tu as un far et tu dois revenir au asl. Et ce asl doit avoir un dalil. Amma wahid matalan il a un far. Il a un far, on répète le far, c'est cette chose qu'on va faire ou qu'on va comparer à une base sahiha qui est fondée sur un dalil. Matalan huwa il a un far et il fait le qiyas sur un autre far. Ce far il a pas de dalil. ثم سفر on doit lui retrouver un asl ثم un troisième il a akhri la yamba لماذا لانه فيه تطويل كذلك سفر on sait pas si c'est un délit on peut pas se baser sur une chose dhanniya ou qu'on n'est pas sûr abadan avec le mithal ça va être plus clair قال مثال ذلك ان يقال يجري الربا في الذر في الذره قياسا على الرز il y a pas de dalil على الذره لماذا لان c'est le far Et الرز c'est l'asl. هنا. يجري الربا في الذرة قياسا على الرز. Si tu viens chercher un dalil à الرز, il n'y a pas. الرز lui-même, ils ont fait le qiyas sur al-bur. Donc le fait de comparer al-dhura au rz, c'est pas sahih. لماذا قال ويجري في الرز قياسا على البر. قال في القياس هكذا غير صحيح. ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر. Au lieu de passer par le riz, t'as pas besoin de passer par le riz. On a, tu fais directement le qiyas al-dhura على البر. لماذا لأن البر c'est un asl. On a des adilla. On a des adilla في السنة. Donc si al-dhura c'est la même chose que le bur, هنا, par rapport à cette masala في الربا sur l'usure, on fera la comparaison, on fera le qiyas. أما passer par rose là, لأن rose lui-même c'est un far. C'est pas un asl. قال رحمه الله فالقياس هكذا غير صحيح ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر لقياس على أصل ثابت بالنص نعم donc القياس على القياس c'est pas صحيح c'est ça الخلاصة أنا tu fais pas un قياس sur un autre قياس لا القياس c'est par rapport à un أصل par rapport à un délit vous vous rappelez des quatre choses tu as un أصل Une base. Cette base est un délit. Mais le Coran et la Sunna, telle chose c'est halal, telle chose c'est haram. Tu as un far'a. Ce far'a, il revient au asl. Les deux, ils doivent avoir la même illa. Ils doivent avoir la même illa. S'ils sont différents, il n'y a pas de qiyas. Donc les quatre points qu'on a vus au départ, ils sont très très importants pour comprendre هذه الشروط. قال ثالثا أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. Vous rappelez de cette masala qu'on a vu au départ. أن الأصل والفرع ils doivent avoir la même illa, la même cause. S'ils n'ont pas la même cause, tu ne peux pas faire rejoindre al-far'i ila al-asl. Tu ne peux pas faire la comparaison, tu ne peux pas faire le qiyas. Abadan. Il y en a, ils sont différents. Est-ce que tu peux comparer, maintenant, dire telle boisson, elle est haram? Il prétend que telle boisson, elle est haram? Pourquoi? Parce qu'elle rend ivre. Et nous, on regarde cette boisson, elle ne rend pas ivre. Est-ce qu'on peut la comparer à l'alcool? Abadan. Elle ne rend pas ivre. مفهوم هذا قال ونقول ليكون الجمع بين الأصل والفرع فيها فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. C'est pour ça que si الأصل c'est من باب التعبد المحض tu peux pas faire le قياس. لماذا؟ لأن la cause elle est pas connue. Est-ce que tu peux comparer مثلا une عبادة واحد nous dit cette عبادة il faut la faire 7 fois. On lui demande l'imada 7 fois. Il dit parce que le tawaf, on le fait 7 fois autour de la Kaaba. On lui dit, l'imada, tu compares les 7 fois, le fait de tourner, c'est pour le tawaf. Pourquoi 7 fois? Allahu alam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé comme cela. Il a décidé 7. On ne peut pas faire une comparaison, l'imada, on ne connaît pas la cause du pourquoi des 7. Ta'ammal le mithal de Cheikh Ibn Uthaymeen, il est plus clair. Rahmatullah alayhi. Qala mithal ou dhalik. An yuqal, lahmun na'ama. النعامة سي ان طير كبير avec un عنق طويل avec des longues pattes كما قال شيخنا دايمين في الشرح اي سي لوتروش النعامة سي لوتروش قال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له سي واحد il prétend ان celui qui mange de la viande d'autruche il perd les ablutions comme celui qui mange le chameau. لماذا؟ Si on lui demande pourquoi, il dit il y en a ces deux animaux qui se ressemblent. Awalan, dans leur ressemblance, fihi nadar, l'autruche, c'est minat tuyur, c'est une catégorie d'oiseaux, alors que le chameau, là, et ouais, il peut les comparer à la taille, là, akhir. Al-muhim, yuqalu la hada al-qiyas ghayru sahih, lianna hukmul asl laysa lahu illa ma'louma. On ne peut pas faire la comparaison, lianna on ne sait pas pourquoi on doit refaire l'odom min lahm al-ibl. Ba'd al-ulama, il cite certaines choses. لكن في الحقيقة il y a pas un nas clair, il y a pas un dalil clair qui montre pourquoi. بعض العلماء اجتهدوا في هذا et ils ont trouvé des sagesses, لكن الله أعلم بذلك. Donc on peut pas se fonder sur ces explications qui n'ont pas de dalil clair pour dire que l'autruche c'est comme le chameau. الله أعلم بهذا. Et الأصل c'est que le fait de manger une viande ça annule pas les ablutions, c'est ça la base. Sauf s'il y a un dalil et on a un dalil pour la viande de chameau. Donc on se restreint à cela. قال وإنما هو تعبدي محض على المشهور. لماذا؟ لأنه ينخلاف. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen قال على المشهور. بعض العلماء يقولون أن لا كوز تل شوز تل شوز هذا الله أعلم به. نعم ذهب الوقت إن شاء الله نكمل في الدرس السابق والحمد لله.